bonhomme. J'en connais qui en font 10 tonnes. Comme je ne veux pas mourir trop beau, je continue mon rock and slow. Je n'aurai jamais 40 ans. Je laisse les autres passer devant, pendant qu'ils se prennent pour des héros. Continue mon rock and slow. J'ai quelques vieux amis fidèles qui trouvent ma femme encore très belle. On tient l'alcool bien mieux qu'avant. Sur ton boira jamais autant. J'aurais pu être musicien ou américain, et de tous ces métiers idiots, je préférerais mon rock and slow. J'ai toujours tout donné aux kids qui mobilaient en bidonville. Prêter mon corps à ces gamines qui rôdent au fond de nos Nashville. J'ai pris mon temps pour être un homme et sans jamais en faire 10 tonnes. Comme je ne veux pas mourir idiot, je continue mon rock and slow. Je continue mon rock and slow. Je continue mon rock and slow. Je continue mon rock and slow.